On va rentrer là au coin. Ouais, vas-y, on va rentrer, gros. En plus, faut que je passe au carré, je dois aller voir un peu les latinos, ils m'attendent. Ouais, vas-y, on bouge direct. On va direct. Ouais. Et faut que je te fasse écouter aussi le nouvel instru qu'il a fait Lester pour le prochain album, Inch'Allah. Ouais, vas-y, fais écouter ça. Voilà, c'est du lourd, tu vas voir. Ok, rien. Attends, vas-y, monte le son là.